Chapitre 14e. Le ciel matinal annonçait une belle journée, et Louis décida d'aller visiter ses proches patients à pied. Il avait tellement peur qu'on lui fauche son vélo qu'il l'utilisait le moins possible. Mais auparavant, attiré par des notes de piano, Louis voulut tirer au clair un problème qui le préoccupait. Il frappa à la porte de Jeanne de la Barre. Cette dernière lui ouvrit dans une tenue pour le moins inhabituelle, surtout à cette heure du jour. Son corps filiforme était moulé dans une robe noire lamée, qui la faisait ressembler à une anguille ou à une couleuvre. Elle était juchée sur la pointe de ses pieds nus, dont elle avait pris soin de vernir les ongles. Elle s'aperçut immédiatement de la surprise de Louis. « Ne vous formalisez pas, docteur. Dans mon intérieur, je porte souvent mes anciennes robes de concert. Les vêtements et le tissu sont si chers que je préfère les user ainsi. Quant à mes pieds nus, elle avait suivi le regard de Louis, je ne porte des pantoufles que l'hiver. Ce n'est pas par souci d'économie, mais par sensualité, dit-elle dans un sourire. Entrez, je vous en prie. Mademoiselle de la Barre, je n'irai pas par quatre chemins. Il y a un homme chez vous, un homme. Et d'où sort-il, grand Dieu? J'en ai la quasi-certitude. L'autre jour, deux hommes sont venus chez vous, un d'un certain âge et un plus jeune. Seul le plus âgé est reparti. J'en conclus que l'autre est resté chez vous. Mais qui vous dit que ces hommes ont bien pénétré dans mon appartement? Vous les avez vus entrer? Ils ont tout aussi bien pu aller chez n'importe qui. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit à Marcel, le concierge. Ah, la belle affaire! Mais ils ont pu raconter n'importe quoi, docteur. Ne faites pas l'enfant, mademoiselle. Rien que la façon dont vous êtes attifée vous dénonce. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que vous insinuez par là? Elle s'assit au piano et improvisa une mélodie sur laquelle elle se mit à chanter. Oui, elle a un amant, mademoiselle de la Barre, un bel amant qu'elle a caché dans son placard. Là-dessus, elle partit d'un grand rire de gorge et plaqua un second accord final sur son clavier. Puis elle devint tout à coup très sérieuse et renfrognée. La situation vous égare, monsieur Fogle. Sachez d'abord que les hommes ne m'ont jamais attiré. Je leur préfère la tendresse féminine, et quand bien même j'aurai un amant, en quoi cela vous regarde-t-il? Cela ne me dérange aucunement, mademoiselle de la Barre. Mais vous savez les problèmes que nous avons eus lors de la dernière descente de la Gestapo. Nous avions des occupants clandestins dans l'immeuble, figurez-vous. Je ne voudrais pas que cela se reproduise. Louis jetait des regards inquisiteurs dans l'appartement, sans oser entrer dans les autres pièces. Puis soudain, un détail le surprit, il saisit un mégot enfoncé dans la terre d'un pot de fleurs. « Vous fumez maintenant, mademoiselle de la Barre, et du vrai tabac. Des players, en plus. Rien que ça. Arrêtez de me prendre pour un imbécile. Vous voulez bien? Nous y gagnerons tous les deux. » La vieille fille referma bruyamment le piano. Elle se leva, toute raide dans sa robe fuseau et toisa Louis. « Viens, docteur, » dit-elle sèchement. « Il aura mieux valu que cela se passe autrement. Mais puisque vous voulez savoir, vous allez savoir. Tant pis pour vous. » Elle se rassit et appela « John, come in, please. Don't worry, it's one of my friends. » De la pièce attenante sortit alors un grand échalas, rouquin et mal rasé, en tricot de peau. Ses deux mains sur le ventre disaient assez son embarras. Il sourit gauchement à Louis et finit par lui tendre une main timide. « John Beckham. Nice to meet you, sir, » dit-il d'une voix gaie. John est un aviateur anglais qui a apporté du courrier et de l'argent. Nous attendons une opportunité pour lui faire regagner l'Angleterre. Voilà, vous êtes content maintenant? Vous voulez me dire ce que ça change? Vous allez avoir désormais une cause de plus à vos soucis, et c'est tout. Un Anglais. Lui qui ne les aimait déjà pas tellement, leur reprochant la trahison en juin 40, laissant les Français se faire massacrer à Dunkerque et surtout le bombardement meurtrier de la flotte française à Merselkébir en juillet 40. Ce sujet était d'ailleurs une cause de dispute constante entre Odette et lui. Si les Anglais ne s'étaient pas battus à nos côtés en 14, avec les Américains et les Australiens, nous serions aujourd'hui Allemands. Quant à la flotte, elle serait tôt ou tard tombée aux mains des Allemands, disait-elle. Louis s'assit, car ses jambes flageolaient légèrement. Il était tellement perturbé par la présence de l'Anglais qu'il ne trouvait rien à dire. Finalement, il réussit à prononcer une phrase. « Vous nous faites courir un risque énorme à tous. Vous vous en rendez compte ?»« Je sais, docteur. En plus des opérateurs radio et des juifs cachés. »« Comment ?» balbutia Louis. « Vous êtes au courant ?»« Mon Dieu, mais que vous êtes naïf !» Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi c'était précisément chez vous que ces jeunes s'étaient installés. Ils sont juste derrière ma cloison, pour me faire passer certains messages. Il leur suffit de frapper contre le mur. J'aurais pu les prendre chez moi, mais je reçois des gens de tous horizons pour les besoins du service, et l'on n'est jamais à l'abri d'une trahison. Si je comprends bien, ils font partie du même réseau que vous. Bonne déduction, docteur. Mais c'est Pinot qui me les a envoyés. Vous êtes donc en cheville avec lui? Vous faites donc aussi partie du réseau Némésis, Pinot, inconnu au bataillon. Ne prononcez jamais de nom, docteur. C'est un principe vital. Nous avions décidé que votre immeuble constituait une bonne couverture pour nos activités. Ceci en raison de la présence de votre ami Muller et de votre prudente neutralité. Votre personnalité a été signalée au réseau Némésis comme très intéressante, à condition que vous acceptiez d'y participer. Mais, nom de Dieu, qui m'a signalé au réseau Némésis? Peut-être moi, docteur, allez savoir. Donc, vous avez des contacts avec Némésis? Ne le niez pas. Mais pourquoi m'avoir choisi, moi? Je vous l'ai dit. Nous savions que vous étiez prêt à passer à l'action, surtout après l'arrestation de vos amis Zilber. Or, vos exploits auprès des concierges vous ont ouvert une voie royale pour entrer glorieusement dans la résistance. Vous avez la fibre vindicative, docteur, et c'est ce dont ils ont besoin. Mais vous-même, mademoiselle de la Barre, à part planquer des aviateurs anglais et raconter n'importe quoi sur n'importe qui, je me demande bien ce que vous faites dans la résistance. Ne soyez pas blessant, docteur. Essayez plutôt de comprendre. Je reçois beaucoup d'élèves. Certains ne sont pas des élèves comme les autres. Et vous ne pouvez imaginer les informations que l'on peut cacher dans une partition musicale. Les notes de musique sont déjà un code. À ce code, on peut en faire correspondre un autre, d'autant plus facilement que les anglo-saxons nomment les notes par des lettres à partir du la, A, B, C, D, E, F, qui correspondent à la, si, do, ré, mi, fa, sol. Après, on peut aussi jouer sur les octaves, la durée des notes, la clé, etc. Si bien qu'un air de musique contemporaine peut se transformer en un long message. Là-dessus, mademoiselle de la Barre joua la partition qui était devant elle. La mélodie était pour le moins déconcertante. Vous voyez, cette mélodie est un message codé. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas très musical, mais pour se douter de quelque chose, il faut connaître la musique et après, il faut trouver le code. Louis était bluffé par les explications de mademoiselle de la Barre. Il n'y avait pas que lui que la nécessité avait rendu inventif. Il repensait également aux wagons trafiqués, sans compter toutes les combines plus ou moins finaudes concoctées par le marché noir. Finalement, lui, avec sa petite seringue, n'avait pas fait un œuf de deux jaunes. Pendant un moment, il garda le silence, songeant que son immeuble était une bombe à retardement qui finirait par exploser sans laisser de survivants. Après l'avoir laissé digérer ce nouveau coup du sort, mademoiselle de la Barre reprit la parole. « Chacun de nous est maintenant concerné, docteur. Nous devons tous être solidaires les uns des autres. Au lieu de vous lamenter, voyez plutôt de votre côté si vous pouvez anticiper le départ de John. Plus tôt il partira, mieux ce sera pour nous. » Louis fut bien content de sortir prendre l'air, même si c'était pour travailler. Discuter avec les patients l'obligerait à penser à autre chose. L'air était doux. Louis enleva sa cravate et ouvrit largement le col de sa chemise. Après tout, cela ne l'empêcherait pas de faire son boulot. Malgré leurs soucis quotidiens, les gens qu'il croisait avaient l'air heureux. Deux femmes lui sourirent gentiment. Il leur répondit en enlevant son chapeau. Parvenu au milieu de la rue d'Ulm, il aperçut une patrouille qui vérifiait les identités. Un homme âgé, vêtu d'un pardessus trois fois trop grand pour lui, marchait devant Louis à une cinquantaine de mètres. Alors que l'homme allait croiser la patrouille, il fit mine de rebrousser chemin. Attitude louche qui lui valut d'être promptement appréhendé par les soldats. Le sous-officier SS commença à le battre à coups de cravache. L'homme était déjà à terre et les coups continuaient à pleuvoir. Louis se rua sur le sous-officier et lui immobilisa le bras. Il vociféra en allemand. « Ça vous sert à quoi de le battre de cette façon? Vous n'avez qu'à l'arrêter, c'est tout !» Soudain, une terrible douleur dans le dos lui arracha un cri. Il tomba lui aussi à genoux, la souffrance irradiant maintenant toute la cage thoracique. « Pourvu qu'il ne m'ait pas cassé une côte, ce con » pensa-t-il. Après le coup de crosse, il eut droit lui aussi au coup de cravache. Une traction passa ce moment sur la chaussée. Sans ménagement, les soldats le fourrèrent à l'arrière de la voiture en compagnie du vieillard. L'homme assis à l'arrière leur passa les menottes, et les deux qui étaient à l'avant n'ouvrirent pas la bouche. Par le pont du carrousel, la voiture fila au plus près et stoppa à l'angle de l'avenue du 4 septembre et de l'avenue de l'Opéra au siège de la commune d'Antour. Tout s'était passé en un éclair. Louis, concentré sur sa douleur, ne se souvint que d'avoir franchi la Seine. À l'intérieur du bâtiment, dans le hall, personne ne leur prêta attention, car c'était un va-et-vient permanent de soldats, d'officiers, de prisonniers dont certains étaient en piteux état. On le sépara du vieillard qui disparut comme par enchantement, et on le poussa dans un couloir sombre, puis on le tabla et le moisit. Il eut l'autorisation de s'asseoir, et le fit avec grande précaution pour ne pas trop souffrir de son hématome. L'attente commença. Un homme avait reconnu le docteur Fogel quand il avait été arrêté rue d'Ulm. Aussitôt, le témoin prit les jambes à son cou et se précipita au domicile du médecin pour avertir son épouse de l'arrestation. Il décrivit la scène, mais ne put malheureusement renseigner Odette sur l'endroit où Louis avait été conduit. Odette se précipita chez Léo, qui était malheureusement absent. Elle se résolut donc à l'appeler à son bureau en lui expliquant à mots couverts ce qui venait de se passer. « Je m'en occupe, » répondit laconiquement Léo. Finalement, un soldat fit entrer Louis dans un bureau voisin. « Herr Doktor, je savais bien qu'on se retrouverait, je vous l'avais bien dit. » Le lieutenant Schuller, gainé dans son uniforme impeccable, rayonnait. Louis, légèrement voûté, la veste de travers, les mains menottées, n'était pas à son avantage. Le lieutenant lui fit signe de s'asseoir, ce que fit Louis en réprimant une grimace de douleur. Schuller, debout appuyé à son bureau, les bottes rutilantes, croisées devant lui, semblait se délecter de la situation. « Vous souffrez, Herr Doktor ?»« Non, ça va aller, » murmura Léon. Le lieutenant garda le silence un instant, semblant réfléchir à la façon dont il allait profiter de la situation. Louis ne put s'empêcher de lui jeter un regard de défi. « Vous avez un regard de chien méchant, Herr Doktor, » dit-il ironiquement. « Mais je préfère les chiens méchants aux agneaux dociles. » Louis détailla alors le lieutenant et une fugace lueur d'admiration passa dans ses yeux. « Quel beau spécimen » pensa-t-il. « Il est vraiment impeccable. » Schuller intercepta cette lueur et son corps sembla se détendre sous l'effet d'une vive satisfaction. Louis capta immédiatement le psychisme du lieutenant et sut quelle partition jouer dans l'interrogatoire qui allait suivre. « Alors, Herr Doktor, racontez-moi ce qui s'est passé. » « Ich ging auf der Straße, » commença Louis. « Je marchais dans la rue. »« Halt, parlez en français, s'il vous plaît. L'allemand est la langue des vainqueurs, mais vous êtes un vaincu. Parlez le français, c'est la langue des vaincus. Je comprends parfaitement le français. J'étais professeur avant la guerre. » Louis ne releva pas l'insulte et continua son récit. « Mais pourquoi avez-vous fait cela, monsieur Fogel? Vous avez joué le preux chevalier, défenseur des opprimés ?»« Pas du tout. Je ne connais pas ce vieillard. En revanche, j'étais révulsé par l'attitude du sous-officier qui s'est conduit de façon indigne d'un soldat allemand. Une brute avinée. Quel exemple pour la population. Je lui ai pris le bras pour qu'il arrête son geste déplorable. J'ai d'ailleurs remarqué que les soldats qui étaient avec lui n'approuvaient pas, mis à part celui qui m'a donné un coup de crosse. J'ai peine à imaginer que de tels hommes fassent partie de la même armée que vous, Herr Leutnant. « Je comprends, Herr Doktor, et j'approuve. Mais que voulez-vous, tout le monde ne sort pas des hautes écoles militaires, comme votre ami le major Müller. Ça ne l'a pas empêché de me traiter de jeune coq, l'autre fois d'ailleurs. Moi non plus, je n'ai pas fait l'école de guerre. Je suis un universitaire, et j'ai été attiré vers le nazisme par l'idéal de droiture et de pureté, cette recherche de grandeur et de perfection. » J'essaie de me conduire chaque jour en restant fidèle à cette image. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de chevalier. Nous devons être les descendants des chevaliers teutoniques, se battant pour Dieu et leur étendard. » Louis se retint de ne pas éclater de rire à l'audition d'un tel panégyrique. Décidément, rien n'arrêtait l'impudence de ces terroristes de la pensée. Il baissa les yeux pour que Schuller ne puisse rien déceler dans son regard. « Bien, » conclut le SS, « je vais voir ce que je peux faire. »« Je vous suis d'avance reconnaissant, » dit humblement Louis, « et vous remercie de votre accueil, Herr Leutnant. »« Obersturmführer, pas Leutnant, » corrigea Schuller. Il s'inclina en signe de salutation et appela un soldat qui reconduisit Louis dans le couloir. À peine était-il assis que Léopold surgit dans le couloir d'un pas pressé. Il échangea quelques mots en français avec Louis, qui indiqua rapidement l'angle d'attaque qu'il avait choisi pour sa défense. « Ok, » fit Léo, « j'en rajoute une couche. » Il se fit introduire dans le bureau de Schuller. Les deux hommes se saluèrent réglementairement par un Heil Hitler, Léo enlevant simplement la main, Schuller en étendant haut le bras, les deux hommes montrant ainsi leur différence d'engouement dans le Reich. « Mon ami, le docteur Vogel, s'est emporté de façon regrettable et je vous prie de l'en excuser. Herr Obersturmführer, c'est un homme impulsif et entier, mais respectueux des lois et de l'occupant. J'avais bien compris que cet homme n'était pas un mouton stupide comme ses compatriotes. Lors de la visite de contrôle, vous savez, la fois où vous m'avez traité de jeune coq. Je m'en excuse, cher ami. J'étais dans mon premier sommeil et, lorsqu'on me réveille dans ces moments, cela me met de mauvaise humeur. Mais vous savez, et Léo sourit finement, le coq est pour les Français le symbole de la fierté nationale. Oui, et il chante avec les pattes dans la fiente. Laissez-moi lui préférer l'aigle, le symbole du Reich. Bien sûr, approuva Léo. Je vais faire libérer votre ami, Herr Major. Ramenez-le en auto, si vous le pouvez. Il est un peu contusionné. Je vous remercie infiniment, Herr Obersturmführer. Nous devrions nous voir plus souvent. Odette accueillit son mari en héros. Elle avait les yeux rouges et ses gestes nerveux et saccadés prouvaient son récent désarroi. Louis s'étendit sur le dos en essayant de peser le moins possible sur sa cage thoracique. « Tu crois que tu as une côte cassée, mon chéri ?»« Non, je ne pense pas. Je souffre surtout à l'endroit de l'hématome. » Odette le soignait avec amour. Louis appréciait la douceur du foyer retrouvé, d'autant plus qu'il pensait bien ne pas revoir la maison si tôt. Après tout, cet incident l'avait profondément marqué dans sa chair et son esprit. Depuis son plus jeune âge, tout acte de violence atteignait profondément son psychisme, car c'était bien pour venir en aide aux vieillards qu'il avait agi, et surtout pas pour l'image de la soldatesque nazie. Il enrageait de se retrouver dans cette position de vaincu, d'impuissant, qui justifiait sa résolution de continuer son action au sein du réseau Némésis. Il prit un bouillon léger, un demi-somnifère et dormit plus d'une heure. Ce sommeil réparateur lui permit de détendre ses muscles et lui fit le plus grand bien. Vers 17 heures, Pinault, prévenu on ne savait comment, vint lui rendre visite, toujours en bleu de travail. « Alors, Toubib, on cherche la bagarre avec les forces de l'ordre sur la voie publique. C'est pas très malin, ça. Je t'ai répété que tu devais être transparent, invisible, et toi tu vas chercher la cogne au cheleux. » Oh, arrête, je t'en prie. Je me suis laissé aller, c'est vrai. Mais si c'était à refaire, je recommencerais. Ben voyons. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Comment te sens-tu? Ça va. J'ai un gros hématome à l'endroit du cou, mais rien de cassé, heureusement. Louis décida de s'ouvrir à Pinault du problème qui le préoccupait depuis le matin. Les occupants de l'immeuble courent les plus grands risques à cause de votre inconséquence. Je te rappelle qu'à mon insu, tu m'as refilé un couple d'opérateurs radio appartenant au réseau de Jeanne de Labarre. Cette dernière cache maintenant chez elle un aviateur anglais qu'il faut faire dégager le plus vite possible. Or, son réseau est incapable de faire passer cet anglais, et j'ai la nette impression que tout ce petit monde-là n'est qu'une bande d'amateurs irresponsables et dangereux. Je ne sais pas si vous avez bien compris, tous, que Schuller de la Gestapo m'a dans son collimateur. Je me vois finir mes jours dans un wagon à bestiaux, ou pendu dans une cave de la rue Lauriston. Je te le répète, vous me faites l'effet d'une bande sympathique d'amateurs. Bien évidemment que nous sommes des amateurs. C'est ce qui fait la force des réseaux, sinon ils seraient formés de militaires ou de membres des services secrets. Les professionnels sont à Londres, à l'abri, pas ici. Ne noircis pas le tableau inutilement. Pour l'instant, Schuller n'a rien contre toi. Tant que notre taupe de la Kommandantur est active, nous avons le temps de nous retourner. Mais pour l'anglais, j'ai peut-être une idée, dit Pinault. Pour cela, j'aurais besoin du concours de ton ami Léo. Ah, attention à Léo. Il est très exposé. D'autant qu'il n'est guère copain avec le SS Schuller. Je suis sûr que ce fumier attend le premier faux pas pour se venger. Je sais, je l'ai compris. Mais je n'en parlerai au major que lorsque mon idée sera mûre. Attends, ne pars pas. Maintenant, tu vas me dire qui tu es, d'où tu viens. et ce que tu faisais avant la guerre. J'ai le droit de savoir autant de choses sur toi que ce que tu sais sur moi. Ok. Je me nomme effectivement Crissier, Serge Crissier. Avant-guerre, j'avais une petite fabrique de piano. En fait, nous montions des instruments avec des tables, des sommiers, des mécaniques provenant d'Allemagne, et on habillait l'instrument à la demande, blanc, acajou, érable, dans le style désiré en accord avec l'intérieur du client. En septembre 1939, j'étais mobilisé comme lieutenant réserviste. Les plus vieux de mes ouvriers ont honoré les commandes tant qu'il y avait des pièces, mais après, il a bien fallu fermer. En juin 1940, j'ai été fait prisonnier à cause des Anglais, qui nous ont donné en pâture aux Allemands. Enfin, je ne leur en veux pas, car à leur place, nous aurions fait pareil. Avec Pujol, enfin Lambert, qui faisait partie de ma section, nous nous sommes allongés sur le sol de la plage en faisant les morts, autant pour éviter d'être mitraillés par les avions que d'être tirés comme des lapins. Quand tout a été calme, nous nous sommes rendus et on nous a dirigés vers les camps de prisonniers. Nous avons été libérés il y a 3 mois dans le cadre de la relève, un travailleur contre un prisonnier. Non, 3 travailleurs contre un prisonnier. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la même chose. À ma place, il y a 3 pauvres types qui poussent des wagonnets quelque part dans la roue. Alors tu faisais des pianos? Oui. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Mademoiselle de la Barre. Elle venait essayer les pianos pour nous permettre d'ajuster les mécaniques. Et Pujol? Tu l'as bien catalogué en l'appelant Rouletabille. Il était pigiste à Paris soir. Mais il n'a pas voulu prendre le vent et tourner sa veste. Il a été lourdé et depuis il fait des petits boulots. Et toi? Je répare des meubles. Enfin, je les retape pour qu'ils tiennent debout. Je ne fais pas de l'antiquité ou l'ébénisterie. Ça vaut tellement cher maintenant. À moins de trouver des meubles volés à des juifs. Mais qu'est-ce que tu reproches au maréchal et à Laval? C'est pourtant grâce à eux que vous avez été libérés, dit Louis avec ironie. Tu rigoles, non? En plus, nous avons beaucoup de contacts avec les communistes, tous les deux. Alors tu sais, la Francisque, c'est vraiment pas notre truc. Oui, je sais. Votre slogan, c'est la France aux Français. Vive Thorez! Mais depuis que les Bauches sont en guerre contre les Soviets, vous osez maintenant crier « Vive Staline !» Moi, tu sais, entre la peste et le choléra, je choisis la bonne santé, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance. N'exagère pas. L'important, c'est la lutte. C'est amusant parce qu'au début, en 1940, les résistants étaient surtout des intellos et des militaires. Puis, il y a eu les communistes et maintenant, depuis quelque temps, ce sont les attentistes comme toi qui finissent par bouger. Pinault sortit un journal de sa poche, soigneusement plié. C'était France d'abord. Journal interdit des francs-tireurs partisans, au mot d'ordre sans ambiguïté, chasser l'envahisseur, punir les traîtres. Feuille qu'on se passait de main en main. À la une, un titre accrocheur, chacun son boche. Loury sourit tristement et dit « Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Que chacun d'entre nous doit assassiner un boche? N'importe qui, n'importe comment? Je ne pense pas que ce soit de cette manière qu'on arrivera à quelque chose. Possible. Alors, vers qui va ta sympathie politique ?» reprit Pinault. Bon, alors là, tu m'en demandes trop. Comme tu l'as dit jusque-là, j'étais attentiste, parce que très circonspect. J'appliquais ce que dit Texier dans ses conseils à l'occupé. Étale une belle indifférence, mais entretiens ta colère, elle pourra servir. Je suis trop déçu par la façon dont se conduisent les Français en général. Leur civisme a fondu au fur et à mesure que leur faim a augmenté. Je suis écœuré de tout, personne ne trouve grâce à mes yeux. Quant aux fantoches de Vichy, s'ils disparaissent dans un cataclysme, ça n'aggraverait absolument pas notre situation. Une bande d'incapables et de profiteurs. Maintenant que les Allemands ont tout envahi, tu vas voir la réaction des Français de la zone nono, la zone non occupée. Ils vont apprécier la joie de fréquenter les Allemands d'un peu plus près. Dans peu de temps, le maréchal pourra compter ses partisans sur les doigts de la main, tu verras. Moi, ce que je veux, c'est que la France soit libérée et rien d'autre. Après, nous verrons bien. Ça va être l'heure de Radio Londres, Louis. Tu peux allumer ton poste? Tu attends un message? Dit Louis avec un sourire en coin. Non. Je veux surtout savoir où sont les Allemands sur le front de l'Est. Quelques minutes plus tard, par-dessus la moulinette du brouillage, comme venant de l'autre bout de la Terre ou d'une autre planète, la voix de Jean Marin salua les auditeurs. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Odette et David vinrent se joindre aux 2 hommes pour écouter les voix porteuses d'espoir. Leurs têtes se touchaient presque et pour David, ces moments revêtaient un caractère magique et sacré, avec dans la bouche le goût acide du secret et du défendu. Ainsi, depuis la nuit des temps, les hommes se regroupaient autour d'un foyer, cherchant dans les flammes l'espoir du lendemain meilleur. Là, c'était la petite lumière et les noms de villes lointaines du cadran qui suscitaient des rêves de liberté, de victoire et de voyage. Ils applaudirent à la prise de Madagascar par les Anglais, déplorèrent le nécessaire sabordage de la flotte à Toulon et espérèrent à l'annonce des revers des troupes de l'Axe dans Stalingrad. Suivirent les messages sibyllins qu'ils écoutèrent sans les comprendre, juste pour entendre la voix de la liberté, sachant que chacun d'eux correspondait à une opération de résistance. Quand l'émission fut terminée et Codette et David regagnèrent la cuisine, Pino, nous continuerons à l'appeler ainsi, se rapprocha de Louis. « Est-ce que tu te sens suffisamment d'attaque pour reprendre du service ? Vas-y, je t'écoute. Il faut que tu t'occupes d'un type infect qui a été condamné à mort. Par qui ? Par un consensus de mouvement de résistance. Je veux tout savoir de lui. Pas question cette fois d'aller à l'aveuglette. Je vais être partie prenante de la décision et ne pas être seulement un bourreau. Raconte. Ce type se nomme Jean Carme. C'est un ancien grossiste en viande. Collabo de la première heure. Il a mis sur pied un énorme business dans lequel les Allemands et lui-même trouvent leur compte. Il a réussi à obtenir des faux papiers pour une dizaine de Juifs qui travaillent pour lui. Ils font parler leurs coreligionnaires et repèrent les appartements abandonnés avec leur mobilier. Les logements sont vidés, le butin est partagé entre des officiers de la Gestapo. Carme garde une partie des meubles qu'il revend au prix fort et rétrocède à ces Juifs une petite commission qui leur permet de ne pas crever de faim. Si l'on attrape un Juif recherché, la commission est doublée. Le fumier. Attends, ce n'est pas tout. Il a aussi formé, par les coups et le chantage, un bataillon de filles juives qu'il lui embauche en échange de leur liberté. Avant-hier, l'une d'entre elles s'est révoltée. On l'a retrouvée salement égorgée près de chez elle. Lorsqu'une fille tombe malade ou n'obtient plus la faveur des SS, elle disparaît, tout simplement, aussitôt remplacée par une autre. Périodiquement, il renouvelle ses hommes de main pour avoir du personnel frais et motivé. Ceux qui sont écartés sont envoyés dans les camps. Accessoirement, il fait aussi dans le trafic d'art. Sans parler, tu t'en doutes, du marché noir, à grande échelle. Voilà le client. Très bien, mais pourquoi est-ce moi qui dois intervenir ? Une balle bien placée devrait suffire, non ? Et sur qui porteront les soupçons ? Sur les Juifs, qui travaillent pour lui, y compris les filles. Il y aura des représailles. Ils y passeront tous car les remplaçants ne sont pas difficiles à trouver. C'est un boulot pour toi, Louis. Ce type boit, bouffe, baise, fume autant que trois hommes à la fois. Il a le nez rouge comme une tomate, un bide de révérend. L'attaque cardiaque ou cérébrale est la fin logique qui l'attend. C'est toi qui t'y colles. D'accord. Mais sous quel prétexte vais-je le rencontrer ? Tu vas lui proposer de faire main basse sur une collection de tableaux de maître. Il n'y connaît rien et se laissera impressionner par les photos. Regarde. Pino montra trois photos de tableaux qui semblaient être des impressionnistes. « Je crois que ça devrait suffire à t'obtenir 10 minutes d'entretien. »« Ah, donc tu penses que je devrais envoyer la farce en 10 minutes ? On voit bien que c'est pas toi qui opères. »« Écoute, Louis, ne commence pas à t'énerver. Tu feras la chose à ta main. Et je sais que tu réussiras. Neveu t'accompagne, comme dit l'autre. » Là-dessus, Pino partit d'un grand éclat de rire qui ravit Louis, car les moments de gaieté se faisaient rares en cette fin d'année 42.